Audiomatique. C'est avec la pièce Passing By du projet Red Eyes que nous entamions la transmission 053 d'Audiomatique de ce mercredi 14 octobre 2015. Cette pièce de Red Eyes paraît sur la compilation Free Your Mind produite par l'étiquette de disque Mind Trick Records. Si vous désirez découvrir d'autres artistes dans le même style musical, vous pouvez aller sur la page Bandcamp de Mind Trick Records et télécharger cette compilation gratuitement. Les électronistes qui sont heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire avec la musique électronique. Pour réentendre nos anciennes émissions, allez fureter du côté de notre profil au facebook.com/audiomatique-cfou. Sinon, vous pouvez réécouter l'émission sur les ondes de C'est fou les samedis à 20h. Pour communiquer avec nous, empruntez la voie électronique en dirigeant vos messages à l'adresse audiomatique-cfou@gmail.com. Musicalement, nous en sommes maintenant au projet russe ABC Galaxy. Nous entendions à Audiomatic l'artiste texan Matthew Dear et la chanson Around a Fountain, parue sur le mini-album Head Cage. Il était précédé par l'artiste danois Troels Abrahamsen, qui est aussi chanteur du groupe Veto. Il nous présentait en solo la pièce There's a Chill de son album Onset. Et en début de segment, il s'agissait du projet russe ABC Galaxy, mené par Roman Skarednov, et sa composition In Stormy Daniels, tirée de l'album Monstrously Acclaimed. Poursuivons la transmission d'Audiomatic avec Ab Ovo, le projet des artistes Jérôme Chassagnard et Régis Baillet. C'est fou pour l'écouter. 89.1. Avant la pause publicitaire, nous entendions le projet millimétrique de l'artiste québécois Pascal Asselin. Sa pièce Lumière solitaire qui disparaît dans le brouillard se retrouve sur son plus récent album Lonely Lights, paru en 2014. Et avant millimétrique, la séquence musicale de deux pièces s'ouvrait avec Ab Ovo, un projet musical mettant à contribution le talent des compositeurs Jérôme Chassagnard et Régis Baillet. La pièce que nous écoutions, soit Ascendance, se retrouve sur l'album intitulé « Le temps suspendu » sorti en 2004. C'est maintenant au tour du groupe britannique Clock Opera d'assurer la continuité musicale à Audiomatique. à Audiomatic, le groupe danois Who Made Who nous interprétait la chanson All That I Am de leur album Knee Deep. Et ce court bloc était introduit par la formation anglaise Clock Opera et leur chanson Lesson Number 7, lapsus, remixée par Night Angles. C'est avec le compositeur Robin Rimbaud et son projet Scanner que nous allons conclure la transmission d'Audiomatic. La pièce que nous allons entendre de convenance pour cette période-ci de l'année s'intitule Autumn Nights et paraît sur le 12 pouces intitulé Teenage Votion. Les électronistes qui espèrent que vous avez su apprécier cette heure consacrée à la musique électronique. Pour nous réentendre, syntonisez C'est fou les samedis à 20h ou rendez-vous sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou où vous trouverez toutes nos anciennes émissions disponibles à l'écoute en balado-diffusion. Si vous avez déjà écouté l'entièreté des 53 transmissions d'Audiomatic, eh bien, soyez fidèles au poste mercredi prochain à compter de 17h pour la transmission 054. Voici Scanner et Autumn Nights. Bonne écoute et bonne semaine.